quand il était petit. Paul allait souvent chez sa grand-mère. Il aimait bien aller chez mamie. Il mangeait de la confiture à l'abricot sur des tartines de pain chaud. Les abricots, il les avait cueillis avec son grand-père. Il aimait passer du temps avec son papy. Paul aimait bien les papillons. Il les regardait, les suivait, il aimait leurs couleurs. Il ne les attrapait jamais. Il passait des heures et des heures à les dessiner, à chercher dans sa palette les nuances. Paul allait chez papy et mamie à chaque grande vacance. Quand il rentrait à Paris, il retrouvait l'école, son papa et sa maman, et sa sœur Marie. Paul était bon élève, un peu rêveur, mais Paul était heureux. Chaque soir, avant de s'endormir, Paul lisait une histoire dans le grand livre doré que lui avait donné sa mamie. Et puis un soir qu'il lisait avant le sommeil, il avait entendu une forte voix. Il avait continué à lire. Le lendemain, il avait à nouveau entendu la voix forte, et puis des pleurs et des petits cris. Et le lendemain, encore plus fort, cette voix résonnait dans son sommeil. Et il faisait de plus en plus de cauchemars, hantés de pleurs et de plaintes. Chaque soir, depuis presque un mois déjà, il redoutait le moment de se mettre au lit. Il n'arrivait à s'endormir qu'une fois l'aube venue, quand les cris et les pleurs cessaient. Un soir, il avait surmonté sa peur et il s'était risqué en dehors de son lit. Il avait marché sur la pointe des pieds, se voulant invisible. Au travers de la porte entrouverte, il avait vu une femme attachée, la bouche bandée, sur la table, Marie, nue, en pleurs, et dans Marie, un homme, Rougeau. Depuis ce soir rouge, Paul avait perdu l'usage de la parole. Il était devenu muet. Et chaque soir, pendant 5 ans, Paul était allé s'enfermer dans le grenier dans lequel il s'endormait. Paul ne voulait plus manger. Quand Paul retournait chez mamie et papy, il restait des heures immobile à regarder voler les papillons. Paul maigrissait. Paul ne lisait plus. Le regard de Paul se vidait de jour en jour. Un matin, sa mamie le retrouva immobile, allongé sur un banc, les yeux ouverts, vides, semblant fixer un ciel improbable. Il était devenu papillon. Un lent arrêt du cœur, avait pronostiqué le médecin. Une maladie inconnue, certainement génétique. On mit Paul dans un petit cercueil blanc.